Les fils infimes qui lient les êtres entre eux sont fragiles. Qu'ils aient été tissés minutieusement ou par magie. Rien qu'un souffle doux et ses réseaux de soie s'agitent. Les tempêtes les emmêlent et quand le vent s'assagit, on retrouve sous les semelles des fragments d'amitié perdus. J'ai maudit ces mouvements qui viennent perturber l'air pur. Bourrasque d'incompréhension, d'incompatibilité. Ouragan de tension, tornade d'agressivité. Des boules sans crier gare et font des ravages. Des doubles séparent, entraînant dans leur sillage. Tant de voix laissées en friche, avalanche d'images. Tant de soirées pleines d'envie, de la joie dans le visage. Ces fils infimes sont si fragiles, si difficiles à réparer qu'ils tombent dans l'oubli. Pour le meilleur ou le pire, j'en garde certains depuis, comme des amulettes. J'y tiens étant celui qui les a vus naître. Et me remémore des amis proches, perdus de vue, perdus de vie. Des relations pleines d'anicroches, ambiguës avec des filles. Tous ces conflits qui ricochent, de fil en aiguille. Affectant d'abord une caboche, puis une famille, un groupe d'amis. On se fait tous plus ou moins des films, ça fausse les rapports. On met des filtres, on modifie, mais à sa sauce les paroles. Brouillard d'interférence, nuages de verre pilés. Les fils si fins finissent leur vie par terre ciselée. À perte de vue se répand la toile tissée. Elle lie nos êtres à la vision rapetissée. Entre divergence, convergence et contiguïté, nous sillonnons ces fils cherchant continuité. Équilibriste, la vie tout juste entamée. Les manques tristes dès l'enfance sont fantasmés. Un moment, un émoi, parfois même un mot, s'inscrivent dans la mémoire et transforment un môme. Au sein de la famille, on cherche sa place, son rôle. Puis dans la société, chacun sa sape, son code. On se moule ou se démarque, on se trouve ou se sépare. On se coupe ou se répare, on se couple ou reste épars. Dans le groupe, on se déplace, de complexe en complexe. En quête de réconfort, de compresse en compresse. Guidé par ce besoin de reconnaissance qui nous étouffe, on devient ce que l'on devait être et un point c'est tout. Des fils se distendent et d'autres se tressent. La vie et le tantre, les mailles se dressent. Rappelant ce que l'on est dans ce jeu chromatique. Juste une pièce colorée de plus dans la mosaïque. Ni belle ni moche, elle ne prend sens que dans la totalité. Le nombril plus grand que le cœur, on oublie la globalité. Car les liens que l'on sectionne, comme ceux que l'on tisse, n'empêcheront pas que l'araignée ne nous déglutisse.